chambre toxique est le plus efficace des poisons. Il agit sur les nerfs et provoque une paralysie générale. Le venin du Black Mamba tue un être humain en environ 4 heures si celui-ci a été mordu un doigt ou une jambe. En revanche, une morsure au visage ou sur le haut du corps peut entraîner la mort en moins de 5 minutes. reste là de savoir ce qu'il en fait. futur, je le perçois.